Section 75 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 17, deuxième partie. Organisation primitive des pays roumains. Par Alexandru Dimitrie Xenopole. Origine des institutions roumaines. Quoique les Roumains soient sortis de la Transylvanie, pays soumis aux Magyars, ils n'empruntèrent à ceux-ci qu'un reflet du système féodal introduit en Hongrie, en même temps que la vie occidentale, notamment l'habitude des princes de donner aux nobles, sous la condition de fidélité, des terres du domaine princier, qui, en cas de félonie, pouvaient être reprises. Pour le reste, les institutions que les Roumains apportèrent avec eux étaient plutôt slaves ou leur appartenaient en propre. C'était le voyevode ou chef de l'État, les boyards ou nobles, la contribution imposée au bas peuple, le bir, capitation. Cette organisation d'origine slave est désignée par des mots empruntés à la langue slave, datait du temps où les Roumains avaient constitué leur premier rudiment d'État sous la suzeraineté bulgare. Après la fondation des principautés roumaines, ce furent les États slaves déjà organisés au sud du Danube qui eurent la plus grande part d'influence dans le travail de leur organisation ultérieure, attendu que les Roumains étaient réunis aux Bulgares et aux Serbes par trois liens très puissants. Premièrement, la langue liturgique et officielle, qui était chez les Roumains le bulgare, introduite chez eux avec la nouvelle forme du rite chrétien bulgare, du temps des premières formations politiques des Roumains en Transylvanie. Deuxièmement, la continuité du territoire, à laquelle le Danube n'opposait pas un obstacle. Troisièmement, les relations intimes que les princes de Valachie s'efforcèrent toujours de maintenir avec les princes de Serbie et de Bulgarie. Au contraire, du côté de la Hongrie, les Roumains étaient séparés d'abord par de hautes cimes de montagnes, ensuite par la différence de religion, enfin par l'inimitié résultant des luttes pour l'émancipation. Ainsi, les institutions des nouveaux Roumains, lorsqu'elles n'ont pas un caractère original, sont empruntées non pas aux Hongrois, mais bien aux Slaves subdanubiens et principalement aux Bulgares. Ce furent les Valaques qui les empruntèrent d'abord, pour les passer ensuite aux Moldaves. Le prince. L'autorité du voyevode, que les Roumains avaient adopté du temps de la domination bulgare sur la Transylvanie, comme autorité soumise et limitée, devint, par la création des principautés de Valachie et de Moldavie, indépendante et souveraine. Les princes de ces pays prennent en conséquence les titres de gospodar, maître, et de samoder javnei, autocrate. Leur autorité était absolue dans toute la force du terme, non seulement comme chef militaire, mais encore comme chef de l'administration et de la justice, même de l'Église, attendu qu'ils pouvaient déposer les dignitaires ecclésiastiques. La vie de leurs sujets était entièrement entre leurs mains. La fortune publique était tout entière à leur disposition. Quant à celle des particuliers, ils pouvaient la confisquer sous prétexte de trahison, ou bien encore lorsque les impôts trop lourds ne pouvaient être acquittés. Ce pouvoir absolu du prince profitait bien peu à son peuple. Il était exercé bien moins dans l'intérêt du peuple que dans celui du prince. La constitution des principautés souffrait d'un autre vice encore plus profond. Le système de succession au trône était une combinaison de principes électifs et héréditaires. N'importe quel membre de la famille du prince défunt pouvait monter sur le trône s'il était élu par le conseil des boyards. Tout prétendant pouvait donc se constituer un parti qui le proclamait comme prince, recourant aux armes pour faire prévaloir sa candidature, faisant presque toujours appel aux puissances étrangères. De là, les troubles qui ensanglantèrent la Moldavie à deux reprises, avant et après Alexandre le Bon, et que nous verrons se produire aussi en Valachie sous les successeurs de Mircea le Grand. Ce système de succession au trône avait été introduit dans les pays roumains à l'exemple des monarchies environnantes. La Pologne, la Bulgarie et même la Hongrie. Le domaine princier. quoique les voyevodes du Fagarach et du Maramourech ne fussent pas venus en conquérant dans les pays où ils fondèrent les principautés de Valachie et de Moldavie, ils n'en exercèrent pas moins, par le prestige attaché à leur nom et la qualité des gens de leur suite, un ascendant très grand sur la population, presque toute rurale, qu'ils y rencontrèrent. En Valachie, même les Roumains des petites principautés antérieures à Radu-Négru furent réduits en servitude. Circonstance qui seule explique comment il se fait que plus tard, la classe des serfs, issue de celle des paysans soumis, porte en Valachie le nom de Rouménie. En Moldavie, les premiers princes luttant contre les Hongrois avec le secours de la population d'origine roumaine, celle-ci n'y fut point réduite en servitude. Ce fut seulement le sort des indigènes slaves, sous le nom de Vecini. Les paysans asservis conservaient leurs propriétés. Ils étaient obligés seulement à travailler un certain nombre de jours pour le prince, et par conséquence pour ceux auxquels il faisait don de la terre, et de donner la dîme de ses produits. La plus grande partie du territoire constitua le domaine princier, d'une étendue très considérable, dont le prince disposait soit pour doter les monastères ou églises du pays, soit pour récompenser les services de ses guerriers, nobles ou paysans. Ceux de ces derniers qui recevaient une telle donation devenaient des nobles. En dehors de la classe des boyards et de celle des paysans asservis, il y en avait une troisième intermédiaire. C'étaient aussi des paysans, mais qui possédaient chacun sa propriété particulière et restaient dispensés de toute obligation envers les seigneurs. Ils sont nommés Moscheni, de Moshi, terre, dérivée de Mosh, ancêtre, en Valachie. Et les Rezesh, de Heredium Hereditas, succession, en Moldavie. Ces trois classes d'habitants étaient propriétaires de terres. Les nobles les tenaient des libéralités du prince. Les francs tenanciers, Moscheni et Rezesh, et les paysans asservis possédaient leurs parcelles ab antiquo, dans les conditions indiquées. La noblesse et les fonctions. Il faut distinguer la classe des nobles et celle des fonctionnaires, quoique la langue roumaine les désigne par un seul et même terme, celui de boyard. À l'origine, lorsque l'organisation des États roumains n'était encore qu'ébauchée, le nombre des fonctions était très restreint. Les nobles, à cette époque, avaient pour attribution principale de servir dans l'armée et de suivre le prince dans toutes ses expéditions, leur service étant récompensé par de riches donations en terre. Plus tard, lorsque le domaine princier aura disparu, les nobles chercheront à vivre des fonctions qui se multipliaient grâce au développement de la vie politique. Voilà pourquoi, dans les temps postérieurs, le terme de boyard devient l'équivalent de celui de fonctionnaire, ce qui amène la confusion entre ces deux classes, à l'origine totalement distinctes. Dès le principe, quand les nobles ne recherchaient pas les fonctions avec tant d'ardeur, quelques services de l'État et du prince exigeaient cependant que des personnes s'y dévouassent spécialement. Ce furent les premiers fonctionnaires. Le système des fonctions est emprunté presque entier à l'État bulgare par la Valachie d'abord, pour être ensuite imité par la Moldavie, surtout sous Alexandre le Bon, qui, pour cette raison, passe pour l'organisateur de ce pays. Les termes bulgares, par lesquels les fonctions sont désignées, indiquent leur origine. Nous trouvons ainsi le vornik, du slave dvor, palais, le postelnik, postel, lit, le vistiernik, vistiera, trésor, le parkalab, parkalab de burgraf, magistrat, chef de district, le strarost, strari, vieux, le paharnik, échanson, de pahar, vert, le cloutchier, de clouk, clé, etc. Le logothèque et le comice sont des fonctions empruntées à la cour de Byzance par l'intermédiaire des Bulgares, seule fonction militaire qui était plus ancienne chez les Roumains que la fondation des principautés, les Roumains ayant toujours manié les armes pour se défendre contre les barbares sont désignés par des termes d'origine latine, comme spatar, porte-épée, chatrar, inspecteur des tentes, capitan, soutache, centurion. Privilèges et avantages des boyards. Les boyards fonctionnaires tiraient de leurs fonctions des revenus qui ne laissaient pas d'être importants. Tous les boyards, c'est-à-dire les nobles, fonctionnaires ou non, étaient exemptés du bien. Cette capitation était payée seulement par les paysans, sans distinction d'asservi ou de libre, et imposée en bloc sur tous les habitants d'un village, qui répartissaient ensuite la somme que chacun d'eux pouvait supporter d'après l'état de sa fortune. Cette répartition porte le nom slave de tchisla, partage. Les autres contributions, que l'on pourrait nommer indirectes et qui frappaient la fortune apparente, consistaient dans l'impôt sur le vin, vadradrit, de védro, mesure, celui sur les boisseaux de gras, galetarit, sur les cabarets, vinaricio, sur les brebis, oyerit, les porcs, gostchina, les abeilles, desetina. Ces deux derniers termes d'origine slave. Elles étaient imposées sur la fortune de tous, des boyards comme du peuple. Quant au rapport des nobles avec les paysans qui leur étaient soumis, ils ne tournaient point trop au désavantage de ces derniers. La culture des terres étant très restreinte, le travail que les paysans devaient à leur maître n'était pas lourd. Ils lui donnaient en outre la dîme de leurs produits. Pour le reste, le paysan conservait son droit de propriété, et il était libre de se transporter où bon lui semblait, car ce n'est que bien plus tard qu'il perdit, avec sa propriété, la faculté de quitter la terre de son maître. L'état des principautés roumaines ne présente donc pas, dès ses premiers jours, le spectacle qu'il offrira plus tard, lorsque la classe des paysans sera complètement livrée à l'exploitation des boyards. À cette époque primitive, les privilèges des boyards étaient encore peu marqués, et le peuple jouissait d'une certaine liberté. Les moschénis et les rézèches sont encore nombreux. Les paysans, même asservis, encore propriétaires. L'amour de la propriété individuelle, celle-ci étant si répandue, devient la source la plus vive de l'amour du pays. Voilà pourquoi, dans l'ancienne langue roumaine, le mot de moschki désigne non seulement la propriété rurale, mais aussi la patrie. Les boyards eux-mêmes n'étaient pour la plupart que des hommes libres, adonnés au métier des armes. Ils n'avaient pas encore perdu leur vertu militaire dans la quiétude de la vie du fonctionnaire. Et si l'on rencontre même à cette époque des troubles intestins auxquels ils prirent une part très active, la cause doit en être cherchée dans les compétitions que suscitait le système de succession au trône. Qu'un règne puissant intervienne et on assistera à un déploiement de force tout à fait extraordinaire pour des pays aussi restreints relativement que la Valachie et la Moldavie. Organisation militaire. La force militaire était fondée en entier sur les propriétaires du sol. Elle avait un caractère national, et l'élément mercenaire n'y entrait que pour une très faible part. L'armée se divisait en plusieurs corps. D'abord les curtenis, ou nobles, qui constituaient le noyau de la cavalerie. Les calaraches, recrutés parmi les francs tenanciers, qui servaient aussi à cheval. Les darabani, ou dorobans, non portés encore aujourd'hui par la milice territoriale de la Roumanie, qui constituait l'infanterie. En dernier lieu, la levée en masse, l'oata. Les curtenis et les calaraches n'étaient point payés. Ils devaient le service au prince comme possesseur de terres libres. L'entretien de leur personne et de leur cheval était à leur charge. Les darabani, au contraire, pris parmi les paysans non libres, recevaient une paye de quelques deniers par mois. On voit l'importance des milices paysannes tant à cheval qu'à pied. Toutes les sources du temps indiquent que le gros des armées roumaines se composait de paysans pris à la charrue et dont la plupart maniaient l'arc, le sabre et la lance. Mais un bon nombre étaient armés de tout ce qui leur tombait sous la main, comme haches, faux, et surtout l'épieu et la massue, très redoutables dans leurs mains. Ce qui décidait à cette époque du résultat d'une lutte, ce n'était ni la perfection de l'armement, ni la science militaire, mais bien la force physique, la valeur personnelle, et sous ce rapport, les documents de l'époque sont unanimes à vanter le courage indomptable, la fougue et la bravoure des Roumains en général, et en particulier des Moldaves. État matériel et intellectuel. Les Roumains, qui avaient été durant leur retraite dans les montagnes un peuple de pasteurs, conservèrent en grande partie, même après leur descente dans la plaine et leur constitution en état, leur ancienne manière de vivre. Ils s'occupaient beaucoup plus d'élevage que d'agriculture. Ils ne labouraient que ce qui était nécessaire pour leur subsistance. D'ailleurs, ils n'auraient guère pu vendre leurs produits agricoles, tous les peuples environnants se suffisant à eux-mêmes. Au contraire, les bestiaux des pays roumains, très beaux et bien nourris sur leur magnifique pâturage, constituaient un important article d'exportation. Il en était de même du miel et de la cire, d'excellente qualité et en quantité immense. Les chevaux de la Moldavie jouirent aussi pendant longtemps d'une réputation méritée. L'importation se bornait à quelques objets de luxe, ceux qui étaient nécessaires à la vie habituelle étant confectionnés par les femmes. Il en résultait, pour les pays roumains, un état de richesse et de prospérité qui mettait, par exemple, la Moldavie en mesure de prêter, à plusieurs reprises, de grosses sommes à la Pologne, plus tard au marquis Joachim de Brandebourg. Quoique l'idée religieuse parût dominer entièrement cette civilisation, les princes, pour des raisons d'État, s'en émancipaient à l'occasion. Ainsi, le prince de Moldavie, Latscu, feignit de passer au catholicisme et accepta un évêque catholique à Céret pour mettre fin aux attaques des Hongrois qui avaient pour motif ou pour prétexte le prosélytisme religieux. Ce sacrifice des intérêts religieux à ceux d'ordre politique n'est pas moins remarquable pour la Moldavie que ne le fut pour la France l'alliance de François Ier avec les Turcs contre Charles Quint. Mais en dehors de ces faits, qui relevaient surtout de la politique, la religion dominait toute la vie intellectuelle des pays roumains. L'Église roumaine avait un caractère étranger, le rite slave avec le slavon pour langue liturgique. Comme conséquence, cette même langue servait aussi d'organe à la vie officielle. On ne saurait pourtant comparer l'état intellectuel des Roumains, dominé par le slavisme, à celui de l'Europe occidentale, où le latin régnait aussi sans partage dans l'Église et dans l'État, attendu que le latin, langue d'un peuple civilisé, et qui donnait accès au trésor de la littérature ancienne, était un instrument de civilisation, tandis que le slave, idiome de peuples incultes, ne faisait qu'étouffer l'esprit national des Roumains sans contribuer à enrichir leur intelligence. Tel était le caractère primitif de la civilisation roumaine. Avec ses éléments simples mais pleins de vigueur, dans la sphère politique, l'autorité absolue du prince. Dans celle de l'intelligence, l'idée religieuse dominant les esprits. Dans le domaine économique des pays riches et dont chaque habitant était propriétaire, défendant dans sa petite propriété celle de tous, la patrie. La classe des nobles cherchant à obtenir honneur et fortune par l'héroïsme guerrier, ne briguant pas les fonctions, n'opprimant pas les petits. Comme ombre au tableau, le système vicieux de succession au trône avec ses conséquences fatales, guerre civile et déchirement des pays. Voilà des éléments suffisants pour expliquer toute la grandeur comme aussi les misères de cette époque. Fin de la section 75.